Le porte-parole de l'état-major général de l'armée populaire de Corée a publié le 2 une communication relative au fait que les bellicistes américains et sud-coréens livrent depuis le 1er mars les manœuvres militaires conjointes de nature agressive contre notre République, en dépit de nos avertissements et des fortes protestations de l'intérieur et de l'extérieur du pays. En voici le résumé. Dans ce simulacre de guerre d'envergure sans précédent, sont mobilisés d'énormes effectifs militaires américains stationnés en Corée du Sud et de renforts de l'étranger, de l'armée sud-coréenne et des forces de divers pays satellites, ainsi que des biens stratégiques américains de toutes sortes, comme les flottilles de frappe des porte-avions nucléaires Ronald Reagan et Carl Vinson, sous-marins nucléaires, bombardiers stratégiques nucléaires, avions de combat furtifs et destroyers Aegis. Déjà, de nombreuses troupes d'opérations meurtrières et des moyens de frappe nucléaire américains déployés dans la péninsule coréenne et à ses alentours ont commencé à se déplacer à la position de départ pour l'attaque contre le Nord. Ce qui est plus grave, c'est que les autorités américaines et sud-coréennes ont rejeté complètement le masque de manœuvre annuel et défensive, parlent ouvertement que le présent simulacre de guerre a pour but la frappe préemptive contre notre République et se démènent à cette fin. Les bellicistes ont annoncé impudemment que lors des manœuvres militaires conjointes Kirisolve et Aigle de cette année, ils vont détailler encore plus l'opération 4D visant à une frappe préemptive contre notre République et en même temps vont mener des exercices en imaginant l'installation de SAD, système antimissile à haute altitude. De plus, ce simulacre de guerre se déroule dans l'état où les bellicistes américains ont introduit en secret plus de 6 millions de tonnes de munitions et équipements de guerre en Corée du Sud depuis la fin de l'année dernière et pris des mesures pour l'évacuation urgente des familles des JAIS et des citoyens américains en séjour en Corée du Sud, ce qui montre la gravité du danger du simulacre. Voici les positions de principe de nos forces armées révolutionnaires. Primo, étant donné que les autorités américaines et sud-coréennes livrent de nouveau le simulacre de guerre nucléaire contre notre République, notre armée y fera face par des mesures ultra-dures, comme elle a déjà déclaré. Nous avons déjà défini nettement la position de renforcer toujours la capacité d'autodéfense nationale ayant pour noyau l'armement nucléaire et la capacité d'attaque préemptive, tant que les États-Unis et leurs suivistes continuent la menace et le chantage nucléaire et n'abandonnent pas devant notre porte les simulacres de guerre prétendus annuels. Notre position annoncée devant le monde n'est jamais des paroles vides de sens. Secondo, si les autorités américaines et sud-coréennes lancent même une étincelle dans le champ où est exercée notre souveraineté, sera commencée immédiatement la riposte militaire impitoyable. Si jamais une étincelle du simulacre de guerre est lancée sur notre territoire sacré, nos eaux territoriales et dans notre espace aérien, notre armée et notre peuple livreront une riposte impitoyable imbue de leur indignation. Il faut savoir que nos forces armées révolutionnaires possèdent tout ce dont elles ont besoin et se tiennent toujours en alarme. Tertio, les forces suivistes qui adhéreront à la politique d'austérité américaine envers la Corée participent au présent simulacre de guerre, seront aussi la cible de frappe de notre armée. Le duel de notre armée et de notre peuple contre les États-Unis est un combat juste et sacré pour exterminer sans merci les impérialistes américains, auteurs de l'agression, ainsi que tous les autres intrigants de toute teinte qui les suivent. Le sort des laquais qui se démènent à l'appui du maître a été toujours lamentable. Nul ne peut empêcher la riposte ultra-dure de nos forces armées révolutionnaires pour déjouer le simulacre de guerre nucléaire des autorités américaines et sud-coréennes et sauvegarder la paix du pays et la sécurité de la région. Notre armée écrasera sans merci le tapage de guerre nucléaire des agresseurs par son armement nucléaire de la justice.